Les grands feuilletons de France Culture. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Vraiment, quelle curieuse idée de vouloir aller à l'auberge du donjon. Enfin, franchement, Joseph, paraît qu'on y mange très mal, en plus. Ah oui, qui vous a dit ça? Ben, Robert Darzac, il y a 5 minutes. Oui, mais écoutez, faut pas écouter tous les potins, mon bon Sinclair. Non, moi, je vous garantis que nous allons fort bien manger à l'auberge du donjon. Oui, et je ne serais pas fâché de faire un petit gueuleton tranquille avec mon ami Sinclair pour ne rien vous cacher. Alors, devant des arguments de cette puissance, il n'y a vraiment plus rien à dire, sinon que je me rallie totalement à votre point de vue. Tenez, regardez. Soyez honnête, elle a une certaine allure, cette auberge du donjon. Je ne dis pas pour l'allure. Oui. Puis j'aime assez ce genre de relais de poste pour diligence. Ah, vous voyez. Encore que les murs de celle-là ont l'air de tenir debout grâce à un miracle. Mais le lierre cache tout et accroche l'ensemble. Oh, ah, c'est... Oh, salut. Mais c'est du romantisme pur, ça, Sinclair. Si vous voulez mon avis, j'ai l'impression que cette auberge s'accroche au passé depuis déjà un bon bout de temps. Ah oui. Enfin, vu la construction, je dirais 2 siècles au bas. Ah oui, 2 siècles, oh, oui, il faut bien compter ça. Mon bon maître, le passé nous tend les bras, allons-y. Oui, seulement c'est pas tellement nourrissant. Oh, voilà, et dans la seconde, le poète Vulcan. Ben, vous en avez de bonnes, vous. Oh, Joseph. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez l'homme qui est devant la porte de l'auberge, sur le seuil. Oui, je le vois très bien, et après. Eh ben, c'est sûrement le patron. Oui, ça m'ennuierait de vous contredire, vous avez sûrement raison, mais alors? Bon, non, mais... Dites-moi sincèrement si c'est là la tête d'un homme qui apprécie la bonne chère et qui prend de la joie à accueillir son monde. Ah, mon cher, tout le monde ne peut pas être Tortoni. Mais enfin, je me vois quand même dans la pénible obligation de reconnaître le bien fondé des arguments de l'accusation. Mais je veux bien, à la rigueur, le faire bénéficier d'un non-lieu. Mais franchement, regardez. Il fait semblant de ne pas nous voir. Et avec la tête qu'il a, ça n'engage vraiment pas le client à entrer dans son établissement. Franchement, on dirait le patron de l'auberge des Adrets. Oh, c'est peut-être tout simplement la tête d'un homme qui n'est pas tout à fait en paix avec sa conscience. Ah bon? Parce que vous pensez que... Oh, je ne pense pas, mon cher, là-bas ici, j'ai faim. Comprenez, j'ai faim. Voilà, nous sommes. Bonjour, cher monsieur. Ouais. Vous voulez quelque chose? Oui, croyez-vous que c'est bête, mon ami et moi, nous avons faim. De là à supposer que nous aimerions bien déjeuner. Oui, oh ben, tout ça est parfaitement possible, mon petit monsieur, mais en tout cas, pas chez moi. Hein. J'ai rien prévu. Le marché n'a pas été fait, aucune provision. Il n'y a vraiment rien pour vous donner satisfaction. Vous savez, nous ne sommes pas mangeurs exclusifs d'ortolans, cher monsieur. Nous avons des goûts très simples. Mon ami, par exemple, se contente d'une bouchée de n'importe quoi. Mais, moi, une bouchée de n'importe quoi? Oui, enfin, écoutez, de toute façon, hein, difficile ou pas difficile, j'ai rien. Et rien, même réchauffé, c'est pas mangeable. Vous feriez mieux de passer votre chemin. Oui, si vous voulez, mais enfin, ce qui est bête, c'est que nous ne sommes pas de la police. Vous pourriez nous faire meilleur accueil. Oh, mais mon petit monsieur, moi, je crains pas la police, hein. Je crains personne, vous entendez? Personne! Bon. Eh ben, mon cher, j'ai l'impression que cette fois, il va nous falloir me chercher modeste pitance en des lieux plus hospitaliers. Sinclair! Mais Sinclair, notre aubergiste, est une violette. Il est beaucoup trop modeste. Regardez cette salle. De tonnerre, de nom d'un petit bonhomme, puisque je vous dis que j'ai rien à vous servir. Oh. Non, puis c'est pas la peine de rester ici et vous extasier sur les beautés de la salle. D'ailleurs, monsieur, vous avez dit vous-même, j'ai bien entendu, allons chercher modeste pitance en des lieux plus hospitaliers. Oui, mais je trouve que de se chauffer un pareil feu de bois est sympathique. Hein? Surtout quand on a l'estomac vide. Rouletabille, vous n'avez pas l'impression que vous allez un petit peu loin? Remarquez, c'est vrai que c'est agréable, ce feu de bois. N'est-ce pas? Et notre hôte ne peut vraiment pas nous refuser ça. Non, c'est pas vrai. C'est offert si gentiment. Nous verrons bien après. Hein? Je ne sais pas moi, mais imaginez, cher Sinclair, que notre aubergiste s'aperçoive tout à coup qu'il se souvient des mille et une façons d'accommoder les restes. Ah. Avec un peu de bonne volonté, bien sûr. Mais j'ai pas de reste. Il n'y a pas plus de reste que de bonne volonté, là. Oh, ouais. Bah c'est dommage, ça. Oh, voyez-vous, ça, c'est ennuyeux. Oh, vous vous rendez compte? Devant une cheminée pareille. Elle a l'air d'attendre, je sais pas, moi, un beau poulet, franchement. Oui, bah mon petit monsieur, moi, j'ai pas de poulet, pas de lapin, j'ai rien, rien, rien. Oui, je sais, Mathieu, je sais tout ça. Mais je sais aussi que maintenant, il va falloir manger saignant. Manger saignant? De Dieu, que le diable m'emporte, si. Ah, bonsoir, messieurs. Hein? Mais il fallait le dire tout de suite. Mais vous êtes chez vous, messieurs. Tenez, prenez cette table-là. Là, voilà. Asseyez-vous pendant que je donne un petit coup de torchon. Allez, j'entends. Mais vous occupez de rien. Mathieu est là pour vous servir. Je vais bien finir par trouver quelques restes. Allez, mais bien sûr. J'en reviens. Merci beaucoup, mon brave homme. Hé, Joseph. Oui. Vous en avez beaucoup, vous, des petites phrases comme ça, toutes faites pour faire obéir les gens? Et en plus, des petites phrases incompréhensibles qui ne gâtent rien. N'est-ce pas, mon cher Sinclair? Delphine, va me chercher une douzaine de lait tout frais fondu. Et puis, une poignée de fines herbes. Ah, puis sort aussi, il faut filer avec les échalotes et une bouteille de boucher. Et puis, t'as intérêt à faire vite, hein? Vous pourriez quand même m'expliquer? Rien du tout, mon bon maître. En tout cas, plus tard. Pour l'instant, ne pensons qu'aux choses agréables. Voilà, mes petits messieurs, voilà. Ah. Les ordres sont donnés, vous n'aurez pas trop longtemps à attendre. Et qu'est-ce que vous voulez voir? Eh bien, écoutez, moi, qu'en pensez-vous, Sinclair? Moi, j'ai bien envie d'un petit cidre comme apéritif. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Vous avez ça, patron? Comment si j'ai ça? J'ai un demi-sec pétillant de la vallée d'Auge. Ou alors un breton un peu plus râpeux, mais ils sont tous les deux au frais. Ah bah écoutez, allons-y pour la vallée d'eau. Allez. Hein? Alors, voilà les œufs, la viande, les fines herbes, oui. Enfin tout ce que tu vas demander, quoi. Oui. J'ai mis les œufs dans un grand bol. Bon, ça va, maintenant tire-toi. Bon, ouais. Oh, attends, Delphine. Et si l'homme vert s'en vient que je te vois pas, hein? T'as compris? Ouais. Allez, tire-toi. Patron! Oui, monsieur. Patron, si vous m'y autorisiez, voyez-vous, je ferais bien la cuisine moi-même. Ah bon? Oui, mon ami Sinclair ignore tout à fait le merveilleux cordon bleu qu'est son ami. Ah oui, tout à fait. Et il ne sait d'ailleurs pas non plus le parfait homme d'intérieur que je suis. Non plus. Eh bien, écoutez donc, voir comme vous voulez. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est gentil. Voilà. Alors. Ah, oh, voyez, quelle belle cuisine. Et nous avons tout là, tout ce qu'il nous faut. Une poêle pour l'omelette. Une autre poêle pour le faux filet marchand de vin. Ça, c'est parfait. Des œufs, il y a des œufs. Vous allez voir, mon bon maître, ce que c'est qu'une omelette aux fines herbes. Voyons un peu. Alors, là, regardez comme ils. Oh, là, ils ont du jour, hein. Belle couleur. Le batteur. Là. Bien battre, voyez-vous. Battre, c'est le secret. Alors, voyons où la bouteille d'huile. Là. Des yeux. Très bien. Une petite cuillère et d'huile pour pas que ça attache. Ah là, un petit peu de poivre, de sel, voilà, ça, bien, Je singe, je poire. Voilà, alors les fines herbes, vous coupez, mais menu. Hein. Très bien. Ah, ça, c'est le secret. Menu. Très bien. Et maintenant, la viande. Alors, voyez-vous, il faut faire revenir les échalotes dans du beurre. Ça, voilà. Mais attention, alors, surtout, ne pas laisser noircir. Hein. Dites donc, pendant que vous faites ça, je vais mettre votre couvert près de la fenêtre, là-bas. C'est une très bonne idée. Vous y serez bien. Très bonne idée. Merci. Il veut parler de cet homme en velours vert, là, qui marche sur la route. Vous voyez quelqu'un d'autre? Ben non, mais il n'a pas l'air d'un bandit. Moi, je le trouve plutôt distingué. Oui. À votre avis, Joseph, entrera ou entrera pas? Entrera, entrera pas. Oh, ben, il a bien fait de pas entrer aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, c'était pas le jour, vraiment. Voilà, l'omelette s'en va très, très bien. Ça va-t-il? Oh, une cuillère de farine dans les échalotes, ça y est, bon verre de vin. Voilà. Dites-moi, Mathieu, qui est cet homme vert, là? Quoi? Vous connaissez pas l'homme vert? Pas du tout. Eh ben, c'est tant mieux pour vous, croyez-moi, parce que c'est pas une connaissance à faire. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait dans le pays? Eh ben, c'est le garde du professeur Stangerson. Ah. Il est possible que je me trompe, mais vous n'avez pas l'air de l'aimer beaucoup, hein? Oh, mais monsieur, personne ne l'aime dans le pays. Et puis, c'est un fier qui a dû avoir un bout de fortune dans le temps. Et puis, ça, voyez-vous, quand on n'arrive pas à la conserver, ça rend amer. Et bien, lui, il pardonne à personne de cette vue forcée de devenir domestique pour vivre. Bah oui, mais ça, rien de folichon, en effet. Non, parce que un garde, c'est jamais qu'un larbin. Hein. Oh. Un larbin, ni plus ni moins que les autres. Non, mais c'est vrai, non, mais vous avez vu un peu l'air qui se croit. On dirait que c'est lui le maître du glandier, que toutes les terres et que tous les bois sont à lui. Voilà. Et je retourne enfin l'omelette. Oh, ah, il prend son métier très au sérieux. Hein. Ah non, monsieur, non, non, pas son métier. C'est lui-même qui se prend au sérieux. Oh, tout ça, oui. Vous savez, il permettrait même pas à un pauvre de déjeuner d'un crouton de pain sur l'herbe, sur son herbe. Voilà, les baveuses à souhait. Oh, mes amis, c'est maintenant ou jamais. Hein. Oui. Allons-y, allons-y, allons-y, allons-y. Je vous suis, monsieur. À table, mon bon Sinclair. Oh, voilà, je vous sais. Ah oui, moitié-moitié. C'est comme ça que je l'entendais. Oh, regardez. Super. Dites-moi, Mathieu, il vient souvent ici, l'homme vert? Il vient trop. Mais je finirais bien par lui faire comprendre que sa figure n'en revient pas. Ah bon? Et pourquoi donc? C'est un mauvais gars. Il y a pas seulement un mois, je le voyais jamais. L'auberge du donjon, elle n'existait pas pour lui. Il n'avait peut-être pas le temps. Pensez donc, fallait-il pas qu'il fasse la cour à l'hôtesse des Trois-Lys, à Saint-Michel-sur-Orge? Eh oui. Et maintenant, il y a de la bouille dans les amours, alors il cherche à passer son temps ailleurs. Pour voir de filles. Trop sorte de jupe. Ah, pour moi, je vous le dis, c'est pas la crème. C'est tout fiel, ce vilain. D'ailleurs, y a pas un seul honnête homme dans le coin qui puisse le supporter, croyez-moi. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Tenez, les Berniers, les concierges du château, eh ben, eux non plus, ils peuvent pas le voir en peinture, l'homme vert. Donc, si je me fie à ce que vous dites, vous considérez les Berniers comme des gens honnêtes? Les Berniers? Des gens honnêtes? Ma foi, mon petit monsieur, aussi vrai que je m'appelle Mathieu, oui, oui, je les prends pour des gens honnêtes, les Berniers. Ben, pourtant, on les a arrêtés, hein. Oui, oh, ben ça. Apportez-nous un peu de viande avec la sauce au vin. Oui, hein? tout de suite. Oh, quel délice. Merveilleux. Oui, bien sûr, on les a arrêtés, mais dites, qu'est-ce que ça prouve, hein? Mais enfin, moi, hein, je veux pas me mêler des affaires des autres. Voilà, le faux filet marchand de vin. Oh là là. Dites-moi, l'omelette, elle était bonne? Oh. Bonne? Oh, mais aussi bonne que celle de la mère Poulard. Ah oui, la mère Poulard. Je connais pas tous les restaurants du coin. Ah, mais craignez rien, Mathieu, elle est installée au Mont-Saint-Michel. Ah bon? Bon, eh ben, mes petits messieurs, je vous laisse finir, hein. Et puis après, ben, je vous apporterai le fromage. Et puis, un petit bout de tarte. Ah, allez. Oui, bonne idée, Mathieu. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire du glandier? La tentative d'assassinat sur Mademoiselle Stangerson? Oui, t'avais bien une idée? Bon, une idée... Ah, Enfin, cette viande, c'est une merveille, hein, Sinclair. Ah oui, mais alors, votre sauce marchande vin, Joseph, hein, une joie. Oh, quel... Alors, Mathieu, votre idée? Ouais, j'en sais trop rien. Alors, ce qui est sûr, hein, c'est que c'est une brave fille, mademoiselle Stangerson. Une brave fille. Oui. Puis tout le monde l'aime bien dans le pays. Et puis, c'est rare pour des étrangers, parce que dans le fond, hein, ça fait jamais que 15 ans qu'ils sont par chez nous. Maintenant, vous dire ce que j'en pense comme un policier, Ce que vous en pensez, c'est pas bien difficile, n'est-ce pas? Eh ben, je pense rien, monsieur. Ou alors, je pense à bien des choses. Mais ça, ça regarde personne. Oh, pas même moi. Non, monsieur. Pas même vous. Bon, écoutez, finissez votre déjeuner tranquille, hein. Monsieur Sinclair, permettez-moi de vous dire que votre ami a un avenir tout trouvé dans la gastronomie. C'est un fin cuisinier. Et le faux filet avait l'air parfait, non? Maître Sinclair est un fin gourmet. Allez, très difficile à satisfaire. Je devais me surpasser. N'est-ce pas, mon bon maître? Oui, je pense surtout que vous me feriez passer par un trou de souris. Mais quoi? C'est-à-dire que je vous oblige à faire vraiment ce que vous avez envie de faire? Honnêtement, si vous aviez été seul, seriez-vous venu manger une omelette aux fines herbes et un faux filet marchand de vin à l'auberge du donjon? Oui, alors là, je vais vous dire franchement, si j'avais été seul, je ne serais certainement pas venu me promener du côté d'Épinay-sur-Orge. Là. Vous voyez bien? Attendez, reprenez un petit coup de cidre. Ah, merci. Dites-moi, Joseph, une question bête. Votre enquête s'avance? Pourrais-je manger d'aussi bel appétit s'il en était autrement? Oui, écoutez, alors dites-moi au moins où vous en êtes. Je ne voudrais pas mourir idiot. Désolé, Sinclair, pas encore. Non, pas encore. Bon, c'est bien ce que je pensais. Je ne vous sers absolument à rien. Non, même pas la peine de me tenir au courant. Mais que dites-vous là? Oh, Sinclair, mais vous m'êtes quasiment indispensable. Quoi? Écoutez, ne me prenez pas mal, mais si je vous disais que tous vos raisonnements faux m'aident à trouver les vrais, vous risqueriez de le prendre très mal. Oui, alors, Joseph, franchement, vous dépassez les bornes, là. Mais non, Sinclair, je vous fais marcher. Vous savez très bien que tout ça ne sont que des mots. Enfin, c'est tout de même pas à un avocat, je vais apprendre ce que sont les mots. Oh, dis donc, Joseph. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ah, salut, la mère à genoux. Salut, Mathieu. Et salut aux messieurs aussi. Dites donc, la mère, ça fait une paix qu'on vous a vu, hein? C'est que j'ai été ben malade. Ah bon? Comme qui dirait un pied dans le trou. Le fossoyeur était sans doute en train de prendre mes mesures. Allons, la mère. Dites donc, Mathieu. Mais... si quelquefois vous aviez des restes pour la bête du bon Dieu. Pour vous être trompé, Sinclair, c'est pas un monstre, mais deux. Oh, sacré nom. Il a osé. Salut, la compagnie. Hein? Bonjour. Bonjour, mère à genoux. Bonjour. Messieurs. Monsieur. Salut, le garde. Donnez-moi donc un verre de cidre, Mathieu. Il fait soif. Il y a peu de cidre. J'ai donné les deux dernières bouteilles à ces messieurs-là. Ah ben, mon Dieu, si ce n'est que ça, servez-moi un verre de vin blanc. Il n'y a plus de vin blanc. Il n'y a plus rien. Rien. Vous entendez? Monsieur le garde. Ah ben, c'est parfait. Comment va, madame Mathieu? Comme un charme. Il a sûrement des tas de qualités, mais il n'est pas liant-liant. Ah non. Et madame Mathieu est sans doute cette ravissante créature, douce et blonde. L'hôtesse, effectivement. Eh oui, Et fatalement, on est amené à se poser la question, comment ce ravissant Tanagra est devenu la femme d'un pareil ours, qui naturellement crève de jalousie. Écoutez, si vous y tenez, vous pouvez vous pencher sur le problème. Hein? Ça vous intéresse? Alors, ma fille, faut être sage, douce. Un petit peu de patience. Alors, mère à genoux. J'ai appris que vous aviez été souffrante. On ne vous a pas vue toute la semaine. Eh oui, monsieur le garde. Je me suis levée trois fois pour aller prier Sainte-Geneviève. Des bois? Notre bonne patronne. Et le reste du temps, j'ai dû rester clouée sur mon glabat. vous étiez seul. Ah, ben, en dehors de ma petite bête, qu'est-ce que vous croyez? Personne vient voir la mère à genoux. Et elle ne vous a pas quitté? Dieu, non. Ni de jour, ni de nuit. Comment je pourrais me passer d'elle? Vous êtes sûr? Comme du paradis. Aussi vrai que je suis sûr de pouvoir y aller. Vraiment? Alors dites-moi, mère à genoux, comment se fait-il qu'on ait entendu le cri de votre bestiole toute la nuit du drame? Oh, j'en sais rien, monsieur le garde. Rien de rien. Mais je peux vous dire une chose, encore que j'y suis point obligé. Il n'y a pas deux bêtes au monde qui ont le même cri. Ah, c'est très intéressant, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mes à genoux? Ça veut dire que moi aussi, la nuit du crime, j'ai entendu dehors le cri de la bête du bon Dieu. Ah tiens, tiens, vous entendez, Sinclair? Oui, eh bien, on a bien fait de venir. Et pourtant, monsieur le garde, aussi vrai que je vous vois, elle était sur mes genoux, la bête du bon Dieu. Et elle a point miaulé une seule fois de la nuit, ça je le jure. Comme c'est passionnant. Et qu'avez-vous fait ensuite? Mon signe de croix, pardi. Au nom du Père, du Fils... Et du Saint-Esprit, nous sommes au courant. Ça fait un drôle d'effet d'entendre le cri de sa bête à l'extérieur, alors qu'elle est sur vos genoux. On dirait un tour du diable. Croyez-vous? Alors, bon, voilà autre chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce que je voudrais bien savoir. C'est chez les Mathieu. Hein? Eh ben, vous avez aussi la prétention d'entrer chez moi? Vous manquez pas d'une certaine audace, vous? J'ai cru entendre une sorte de querelle, alors je... De querelle? Là, autre chose, maintenant. C'est ma femme qui a mal aux dents. Y a vraiment pas de quoi vous inquiéter, monsieur le garde. Tenez, mère à genoux. Voilà des restes pour votre bête. Et puis, y a pas de gras, hein? Rien que des morceaux nobles. Il va être content, votre chat. Oh, merci, père Mathieu. Allez, tu viens, ma fille, viens vite. Viens, ma jolie. Viens vite. L'appeler ma jolie, faut vraiment qu'elle soigne ses yeux. C'est pour pas lui donner de complexe. Dites, la mère, par contre, vous emmenez cette bestiole parce que son cri, franchement, je supporte pas. Allez, merci, père Mathieu, merci. Et puis vous emportez pas. On s'en va, vous voyez. Et on s'en va, tu viens, tu viens. C'est... Saleté de bestiole. Alors, père Mathieu, vraiment, c'est votre dernier mot? Vous ne voulez rien me servir? Non. Non, monsieur le garde. Il n'y a rien pour vous ici. Rien du tout. Allez, allez-vous-en. Ah, eh bien, père Mathieu, voilà qui n'est guère aimable. Qu'en pensez-vous, messieurs? C'est-à-dire... Maintenant, ça suffit, hein? Pour la dernière fois, voulez-vous me foutre le camp? Ne me touchez pas, Mathieu. Je suis assermenté, ça pourrait chercher 3 mois ferme. Je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. Bien, je m'en irai dès que j'aurai bourré ma pipe. Et puis ensuite j'irai effectivement faire un tour par là. Non, une seconde, Mathieu. J'allume. Et bien voilà, ça y est. Je suis prêt. Messieurs, je vous prie d'excuser l'irascible Mathieu. Oui. Et vous présente mon salut. Au revoir, monsieur. Son salut. Son salut, non, mais semble à disque de moi, dites. C'est pas possible, c'est pas vrai. Il vient me narguer jusque dans ma maison. C'est pas croyable, ça, c'est pas possible. Je peux pas supporter ça indéfiniment. Pardon de vous interrompre, père Mathieu, mais nous voudrions vous remercier, mon ami et moi. Combien est-ce qu'on vous doit? Ah oui, parce que c'était parfait. Hein. Parfait. Écoutez-moi bien, tous les deux, écoutez-moi bien. Oui. Je sais pas qui vous êtes, mais vous avez pratiquement forcé ma porte en me disant tout à l'heure, maintenant, il va falloir manger saignant. Mm-hmm. Et je le répète, je sais pas qui vous êtes, mais ce que je peux vous dire, si ça vous intéresse, l'assassin du Glandier... Eh ben, c'est lui. C'est le garde. Oh. Oui. Et maintenant, au plaisir, messieurs. Eh ben. Quel homme charmant. Oui, oh. Bien, Sinclair, naturellement, vous êtes mon invité. Rentrez ce portefeuille tout de suite ou je poursuis l'enquête tout seul. Mais Joseph, c'est un abominable chantage. Exact. Mais que voulez-vous, la faim, miam miam, justifie mes moyens, hein? Alors, nous n'avons plus faim, c'est juste. Oui, c'est juste, bien sûr. Alors, voilà donc pour le déjeuner. Et les deux bouteilles de cidre. Mm-hmm. Et ça, c'est pour le service. Comment pour le service? Mais c'est vous qui avez tout fait. Eh ben, justement, ça lui servira de leçon. Oh. Joseph. Oui. Oui, Joseph, c'est curieux quand même. C'est très, très curieux. Vous y croyez, vous, au garde comme assassin? Viens dans ce joli pavillon et la mer très jolie. Mais il se fout de moi, ma parole. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Aujourd'hui, 8e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe Derez, Mathieu, Serge Sauvian, Madame Mathieu, Monique Gérard, la mère à genoux, Catherine Georges, le garde, Benoît Alleman. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 10 août 1983. Rouletabille, un modèle pour tout apprenti journaliste, Gaston Leroux en tout cas, un maître pour le journaliste et patron de presse, Pierre Lazareff. C'est chez Raoul que je fis connaissance de Gaston Leroux. Peu de gens savent que le père de Rouletabille, l'auteur du mystère de la chambre jaune et du parfum de la dame en noir, fut d'abord et fut surtout un grand reporter, un prophétique journaliste qui, en 1905, dans une série d'articles parus dans Le Matin, L'agonie de la Russie blanche, prévoyait la révolution de 1917. Gaston Leroux, dont le fils est aujourd'hui mon collaborateur, vivait déjà à cette époque retiré à Nice, mais venait à Paris pour se retremper dans l'atmosphère de la presse. Il m'appelait Rouletabille II. Longtemps, il voulut que j'incarne son héros à l'écran. C'est Roland Toutain qui finalement joua ce rôle, certainement beaucoup mieux que je ne l'aurais fait. Mais Gaston Leroux m'a certainement donné les conseils de base qui ont constitué mon éthique du journalisme. L'exergue d'une de ses œuvres m'avait ouvert le chemin de son cœur. C'était un livre sur la presse. Sur la page de couverture, il avait mis ces simples mots « Ô mon métier, je t'aime ». Ce métier, il en parlait avec un extraordinaire bon sens. Le premier devoir d'un journaliste, disait-il, c'est d'être lu. Il me résuma ainsi le credo du journalisme. Voir, savoir, savoir-faire, faire savoir. Pierre Lazareff évoquait Gaston Leroux le 20 novembre 1958 sur la chaîne Nationale. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, le 9e épisode du mystère de la chambre jaune.